Pourquoi les Chinois ont la passion des noms? En Chine, on estime qu'une centaine de patronymes servent à désigner plus de 80% de la population. On compte ainsi plus de 92 millions de Wang et autant de Li. De quoi alimenter l'un des préjugés xénophobes les plus fréquents à l'égard des Asiatiques, ils se ressemblent tous et en plus, ils ont le même nom. Ce stéréotype illustre la croyance naïve que notre manière franco-française de nommer les personnes serait universelle, ce qui est faux, bien sûr. Si l'on se penche sérieusement sur le cas de la Chine, on constate que le système traditionnel de nomination des personnes est un ensemble complexe qui permet de désigner un même individu à l'aide de noms formels, informels et rituels. Le nom qui est le plus couramment utilisé et le plus stable, c'est le nom officiel attribué à la naissance. Il se compose du nom de famille, Xing, hérité du père, et d'un nom personnel, Ming, qui correspond à ce que nous appelons un prénom. Dans la culture chinoise, ce n'est pas le Xing qui confère à l'individu son identité propre, mais le Ming. La rigidité de nos règles d'identification des personnes explique que nous ayons beaucoup de mal à comprendre qu'un même individu puisse recevoir plusieurs noms personnels et apparaître sous différentes appellations selon son âge, son statut, son environnement, etc. À la naissance, les parents chinois donnent un petit surnom à leur enfant qui reste en usage dans le noyau familial. Quand il entre à l'école, il est gratifié d'un surnom d'écolier, souvent en rapport avec l'érudition et la culture livresque. C'est ce nom qui sera utilisé par le ou les professeurs et les autres élèves lors des premières années scolaires. Le prénom d'adulte est le nom décerné à un homme ayant atteint l'âge de 20 ans ou lors de son mariage pour marquer son passage à l'âge adulte. Ce nom d'adulte est généralement choisi par la famille en fonction du caractère de l'individu concerné. Il a une grande importance, car c'est ce nom qu'il devra désormais utiliser dans ses relations sociales. Il existe d'autres manières de nommer les personnes, comme le sobriquet ou le pseudonyme. Les personnages illustres sont gratifiés d'un nom posthume et honorifique, qui est une manière d'énoncer le bilan de leur vie, généralement élogieux. Les noms de temples sont ainsi utilisés a posteriori pour nommer la plupart des monarques chinois. Pour comprendre les raisons de ce foisonnement des appellations, il faut savoir que les noms de famille sont très anciens en Chine puisque certains sont apparus il y a 4000 ans. Le système de nomination a certes beaucoup changé au cours du temps, mais dans la culture traditionnelle chinoise, un lien fort est établi entre le destin d'une personne et son nom. Le fait de pouvoir changer de nom est perçu comme un moyen de peser sur son propre destin. L'histoire des noms chinois reflète également les inégalités propres à cette société. Les élites peuvent mobiliser un nombre beaucoup plus important d'appellations que les individus des classes populaires et le statut inférieur des femmes chinoises est illustré par le même type de discrimination. Récemment encore, comme le prénom de beaucoup de femmes n'était jamais utilisé, il arrivait qu'on l'oublie.